Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La fin du monde et nous, tous survivalistes. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a le réchauffement climatique qui nous murmure la fin du monde à l'oreille et tout un tas de scénarios catastrophes avec épidémies, pluies de sauterelles, comètes folles, famines et guerres civiles. Alors pour se rassurer, on peut se dire que c'est une vieille histoire et qu'on n'en est pas à notre première apocalypse. Alors pour commencer, les personnages. Un prophète de malheur, un philosophe qui raconte, un collapsologue en deuil, un autonome en permaculture, un homme qui flirte avec la peur, une mère et sa fille qui croient, et un scientifique précautionneux. Ensuite, le décor. Des récits de fin, l'arche de Noé, le futur antérieur, un sentiment de perte, une émotion qui résiste, des tempêtes, une colline venteuse, une centrale nucléaire, un vertige, le déni, 2012, la CIA, le complotisme, la fiction, des astéroïdes, la religion et des bombes atomiques. Aujourd'hui, premier épisode, on respire mal. Les pendules se sont arrêtées à 1h17. Il y a eu un long éclair de lumière très brillante, puis une série de chocs sourds. Je crois qu'on est en octobre. Mais je ne peux pas en être sûr. Ça fait des années que je n'ai pas tenu de calendrier. Chaque jour est plus gris que le précédent. Il fait froid. Le froid augmente alors que le monde s'éteint lentement. Aucun animal n'a survécu. Et toutes les cultures ont disparu. Bientôt, les arbres du monde entier tomberont. Les routes sont peuplées de réfugiés poussant des chariots et de groupes armés, cherchant de l'essence et de la nourriture. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la nourriture. Toujours la nourriture. La nourriture, le froid et nos chaussures. Avis d'Apocalypse. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Après-demain, le déluge sera quelque chose qui aura été. Et quand le déluge aura été, tout ce qui est n'aura jamais existé. Quand le déluge aura emporté tout ce qui est, tout ce qui aura été, il sera trop tard pour se souvenir, car il n'y aura plus personne. Alors, il n'y aura plus de différence entre les morts et ceux qui les pleurent. Gunther Anders. Anders, comme tout prophète de malheur, se rend compte que prévoir le malheur ne sert à rien. Jean-Pierre Dupuis, bon. Philosophe. Puisque on n'écoute pas le prophète de malheur. Voilà. Alors il a cette idée de dire à la foule qui l'écoute qu'il est temps de prendre le deuil. Alors les autres demandent, mais le deuil de qui ? Mais c'est le deuil de vous. Mais nous sommes vivants. Ben, vous êtes morts demain. Alors là, tout le monde, évidemment, est sidéré. C'est là que Anders explique, je ramène l'avenir au présent. Quand on lit la parabole d'Anders sur Noé, on s'aperçoit d'un mode temporel que nous appelons, nous, en français, le futur antérieur. C'est-à-dire, quand vous viendrez chez moi ce soir, j'aurai fini de dîner. C'est le futur antérieur. En anglais, ce temps, ce mode temporel s'appelle le future perfect, le futur parfait. Qu'est-ce qu'il a de parfait, ce futur antérieur ? Ben, c'est qu'il transforme l'incertitude et l'indétermination de l'avenir en certitude et détermination du passé. Et c'est ce que fait Anders, justement. Il dit, vous êtes déjà mort. Donc l'idée, c'est de faire croire quelque chose alors qu'on n'en est pas certain. Et donc, le futur antérieur consiste à se projeter par la pensée dans l'après-catastrophe et regarder et juger notre présent, d'avant la catastrophe, donc, de ce point de vue. À vous entendre, Pablo Servigne, nous serions déjà en deuil. Alors le deuil, principalement d'un avenir, se rendre compte qu'il y a un changement climatique, qu'il y a des catastrophes, ça veut dire qu'on doit renoncer, qu'on doit accepter la mort d'un avenir qu'on s'était imaginé pour nous, pour nos enfants, etc. Ça, c'est déjà violent. C'est peut-être le deuil aussi de... d'un niveau de vie, peut-être de personnes. Et il y a un deuil aussi des paysages, des territoires, des oiseaux, des êtres vivants, des liens que l'on portait à des choses à quoi on tient. Et couper ces liens, c'est une profonde peine, une tristesse. Les scientifiques parlent de solastalgie, le sentiment de perte écologique, qui est très dur en fait, on a du mal à en parler. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles arrivent, mais en fait, le barrage des émotions à pas lâcher. On n'arrive pas à pleurer, à se rendre compte profondément. Ça touche la tête, mais pas le cœur. Et finalement, déposer sa tristesse, c'est aussi partager un lien sacré qui nous unit et ce qui a, de tout temps, depuis des milliers d'années, fondé les communautés humaines, le rituel autour de la peine, du deuil, de la mort. Ça, je trouve qu'on l'a perdu. Pleurer les morts de demain aussi. C'est un petit peu ce que disait Anders. Oui, il y a de ça. Même si ça peut paraître théorique pour beaucoup de gens, un peu abstrait, un peu éthéré. Pleurer un avenir, renoncer à un avenir, c'est dur, c'est un arrachement. Mais oui, je suis assez d'accord. Les morts de demain, oui. Si l'on vous dit Pablo Servigne, mais vous êtes un prophète de malheur. On me l'a déjà dit souvent, un oiseau de mauvais augure, oui. On m'a dit... On ne les croit pas, les prophètes de malheur. Hop, on les repousse un peu, non? Alors ça, c'est la solution de facilité, de se boucher les oreilles, de tuer le messager, en fait. Cassandre a porté mauvaise nouvelle, seulement Cassandre avait raison. Quand vous dites qu'il y a un incendie dans votre maison, votre immeuble, votre voisin, il arrive paniqué chez vous, il vous dit « Ah, il y a le feu dans notre immeuble !» Vous allez lui dire « Vous êtes un oiseau de malheur ?» Ben non, vous l'écoutez, vous dites « Attends, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ?» Vous essayez de comprendre et vous y allez. Et vous passez à l'action. Vous avez pas besoin d'espoir, on est d'accord. Vous avez juste besoin de courage pour se mettre en mouvement. Et on prend les choses à l'envers, en fait. J'ai l'impression que les gens qui sont dans le tout positif, on veut voir que du positif, arrête avec tes mauvaises nouvelles, tu nous casses les pieds. Tout ça, en fait, c'est des expressions d'un déni. Nous, on veut de l'espoir, on veut pas du... Toi, t'es un prophète de malheur. C'est une manière de dire... Je ne veux pas voir la réalité. L'homme moderne, ou Homo sapiens, est né en Afrique de l'Est, il y a à peine 200 000 ans. Notre gros cerveau nous a permis de coloniser les endroits les plus reculés sur la planète. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. Pour certains scientifiques, nous sommes désormais pratiquement immunisés contre une possible extinction. Pour d'autres, au contraire, la menace n'a jamais été aussi grande. Nous entrons dans une période où le degré de risque est nettement plus élevé qu'avant. Il y a une probabilité réelle pour que l'histoire de l'humanité prenne fin au cours de ce siècle. « Frédéric, aujourd'hui, c'est un jour alerte orange. Vous avez observé ça ? Les tempêtes au nord-est de la France, oui, j'ai vu ça. Oui, oui, je suis pas mal à la météo. Pourquoi ? Bah parce que ça a de plus en plus d'impact, comme je fais de la permaculture. Ça devient de plus en plus important de savoir un minimum ce qui se passe. Ici, ça souffle aussi pas mal, hein ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, le lieu s'appelle la colline venteuse, donc oui, oui, oui, beaucoup de vent. Ça, c'est à exploiter potentiellement dans le futur, hein, avec de l'éolien pour gérer l'électricité sur le terrain. J'essaie de mettre en place une autonomie d'abord alimentaire, et après, je passerai sur l'eau et sur l'électricité. Essayer d'être le plus autonome possible dans tous ces domaines-là, en fait. Nous sommes sur la colline venteuse, mais face à nous, je crois apercevoir les... Une centrale nucléaire. Voilà, on une centrale nucléaire. Sa cheminée. Oui, c'est la centrale du Bugey, c'est une des plus vieilles de France qui est censée fermer bientôt. En fait, chez mes parents, quand je vivais plus jeune, j'étais aussi face à une centrale qui était même plus proche que celle-là. Donc ça fait partie du paysage, ça inquiète pas plus que ça. Ça fait poser des questions quand il y a Tchernobyl et quand il y a Fukushima, mais en dehors de ça, non. Donc de chez vous, on aperçoit une centrale nucléaire et de l'autre, un petit village médiéval. Oui, le village de Pérouge. Voilà, ça fait un beau clivage entre la modernité et les vieilles villes. Si vous pensez à l'effondrement, vous le pensez dans quels termes ? Le scénario le plus juste, c'est... j'aime bien, même si je ne suis pas plus que ça un scientifique dans l'âme, j'aime bien m'appuyer sur des éléments tangibles et j'aime bien me baser sur le rapport du Club de Rome, qui a quand même 50 ans. Et qui annonce des grosses problématiques civilisationnelles dans la décennie à venir, quoi, en gros. Un rapport écrit par Meadows et sa femme, d'ailleurs. Oui. Un chercheur du MIT qui n'a pas du tout à faire ses preuves. Et ce rapport, il fait plusieurs scénarios. Bah, au début, le côté humain a fait, je pense qu'il a cherché à trouver des fins, entre guillemets, heureuses. Mais à chaque fois, c'était son pire scénario qui se concrétisait au fil des ans. Cette courbe du pire, quelque part, elle ne cesse d'augmenter et son modèle, il est toujours d'actualité. Après, ça dépend de notre degré de confiance en la science, surtout quand ça annonce des jours pas très glorieux quoi, pour notre humanité. Sur votre table, on peut apercevoir un certain nombre de livres. « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, « Survivre » de Piero San Giorgio. Oui, « Survivre à l'effondrement économique ». Alors, qui est-il, Piero San Giorgio ? C'est, bah, pour l'affaire, c'est un survivaliste qui a établi des scénarios déjà il y a une petite dizaine d'années. Il fait tout un tas de scénarios différents et il explique comment s'y préparer. Pour la faire court, il y a de plus en plus d'humains sur cette planète, il y a de moins en moins de ressources disponibles. Et donc, il y a forcément une grosse problématique à un moment donné, quoi. Et comment vous triez toutes ces informations ? Bah, je ne les trie pas vraiment, je lis beaucoup. Et c'est un puzzle qui se monte un peu de lui-même, quoi. C'est à force de lire des livres, de faire des recherches sur Internet, d'aller lire tel ou tel rapport scientifique, les pièces, elles semblent toutes seules. Et je ne vois pas en quoi ma vision peut être complètement faussée par rapport à tout ce que j'ai lu. Donc je ne vais pas croire n'importe quoi sous prétexte que ça pourrait alimenter cette... parce qu'on va dire que c'est encore une croyance, cette croyance que notre civilisation va s'effondrer. Pablo Servigne, collapsologue et chercheur interdépendant. Qu'est-ce qui vous a mis en alerte, Pablo Servigne ? Il existe une horloge de l'apocalypse qui symbolise l'imminence d'un cataclysme à l'échelle planétaire, notamment nucléaire, minuit représentant la fin du monde, et nous serions à moins de 2 minutes de minuit. Vous, quand avez-vous commencé à regarder les aiguilles ? Alors, c'est pas du tout l'horloge qui m'a mis en mouvement, je dirais. Pour moi, mon intuition me dit que c'est plutôt, donc le message, c'est que toutes ces catastrophes climatiques, écologiques, biodiversité, financières, géopolitiques, les ressources, les terres rares, tout ça, c'est quelque chose qui s'accélère à un rythme tel que nous allons ressentir, nous, les générations présentes, les effets dramatique, tragique, de toutes ces crises, entre guillemets, c'est même pas des crises, puisqu'il n'y a pas de retour à la normale, mais de tous ces problèmes. Et c'est ça le déclic, c'est que c'est pas pour les générations futures, c'est pour nous. Donc pour moi, l'horloge, c'est que c'est nous qui allons le vivre, et a fortiori nos enfants. Moi, j'ai des enfants, donc je me projette plus même dans les générations futures. C'est nous, on se prépare, comment on s'organise pour vivre ça, etc. Un matin calme, un ciel pur, out of blue, sans signe annonciateur, le coup mortel, les catastrophes chimiques, nucléaires, est-ce qu'elles nous sortent du temps ? Oui et non. Je pense que on se rend pas compte, en fait. Il y a une sorte de déni. Quand j'en parle à des gens dans un bistrot, à des repas de famille, on voit ça de manière un peu lointaine, ça touche pas notre quotidien, on le sent un petit peu. Mais quand, à un moment, il y a une rupture de la normalité, il y a eu un peu ça en France, là, avec les gilets jaunes, il y a parfois des inondations, des grandes sécheresses, des moments qui fissurent le cours du temps, la routine, là, c'est vrai qu'on sort du temps. Il y a un moment de stupeur, la normalité s'effondre et on se retrouve face à l'essentiel. Qui on est, face à quoi, il faut agir, il faut retrouver du courage. Il y a des télescopages du temps, on est à la fois dans le temps long, dans le temps court. Une catastrophe, c'est maintenant, mais en fait, ça touche les générations futures, mais en même temps, le passé, l'effondrement, c'est une question de civilisation, de centaines d'années, de siècles. C'est peut-être une question d'archéologues du futur qui vont décrire notre présent. Le climat, ça touche des millions d'années, le nucléaire aussi. Et puis les crashs boursiers, c'est de l'ordre de la nanoseconde, la microseconde. Et puis 5 jours après, il n'y a plus rien dans les magasins. Voilà. Et tout est à penser en même temps, ça rend un peu fou. Et en fait, penser cette question, ça rend fou. Et on se rend compte que ne pas y penser, ça rend fou aussi. Mais la posture, c'est vraiment le courage d'aller affronter ces tempêtes, de ne pas entrer dans le déni. De pas dire, mettre sous le tapis, dire bon, c'est pour les générations futures, nous on continue un peu la croissance, et puis on verra, on fait des petites réformes, et on verra. Non, là c'est maintenant. Ça fait 40 ans qu'on dit que c'est pour les générations futures. Et maintenant c'est nous les générations futures. Je savais que ça allait arriver, ça ou un truc dans le genre. Il y a eu de nombreux signes. Tout le monde disait que c'était des conneries, mais moi, j'y croyais. Ouais. Vous avez essayé de vous y préparer ? Vous auriez fait quoi, vous ? Mais supposez... Alors, ça, c'est marrant. Que vous soyez le dernier homme sur Terre. Comment on le saurait, si on était le dernier homme sur Terre ? Je crois qu'on ne le saurait pas, on le serait. Frédéric, nous sommes croisés sur un forum qui se nomme Apocalypse. Oui, voilà. 1919 membres. C'est un petit groupe. Alors, les changements terrestres, vous, ça vous intéresse ? Oui, parce que c'est du concret. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me suis tapé toutes les données sismiques et volcaniques. Donc j'ai fait un tableau Excel, j'ai tout mis dedans et je me suis rendu compte que depuis 2004, on a une très très forte augmentation du nombre de séismes supérieur à la magnitude 3. Donc en gros, la Terre, elle tremble beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans, à tel point que c'est x4. Et on avait en gros 7000 séismes en 2004 et on en a 33000 en 2018. Et comment expliquer cela ? Moi, j'ai pas d'explication en particulier, si ce n'est que j'aime bien gratter et j'ai réussi à trouver une étude scientifique russe qui fait un lien entre sismologie, les différentes attractions des planètes du système solaire, le Soleil lui-même, et qui définit un créneau de très très forte augmentation des séismes, des éruptions volcaniques et de tout événement climatique sur un créneau qu'il a donné de 2016 à 2060. Voilà, c'est une étude qui a été publiée dans le British Journal of Applied Science and Technology. Cette information-là, par exemple, vous en faites part sur les réseaux sociaux ? Oui. De manière anonyme et simplement parce que j'estime que c'est un élément supplémentaire, même si ce n'est pas des événements que je crois possibles à 100%. Mais je me dis, il y a tellement peu de réactions, ne serait-ce qu'à des... quand il y a 15 000 scientifiques qui font des tribunes... pour alerter sur les dangers qui nous guettent. Je me dis que, comme là, il y a des éléments factuels qui me font penser que les événements pourraient être encore pires que ce que, par exemple, les collapsologues imaginent, ça peut peut-être sensibiliser des personnes que d'autres choses ne sensibiliseront pas, quoi. Mais vous, vous pensez qu'une fin du monde est possible? Oui, je pense qu'une, à minima, une très grosse transformation de notre civilisation est possible et va se produire. Et après, il y a des scénarios du pire et du moins pire. Et ça, je suis incapable de dire lesquels. Donc autant, entre guillemets, se préparer autant qu'on peut sur les pires événements. Et après, s'il se passe même rien du tout, eh ben, j'aurai un jardin en permaculture, je ferai des fruits et légumes, je pourrai nourrir ma famille sans aller au supermarché. Et ça, ce sera déjà un bon point. Allô, allô, attention, attention. Message à tous les commandants de corps et d'aérodromes de la zone W1. À tous les commandants d'unités de marine ou d'aviation de la zone W2. Allô, allô, attention, attention. Pablo Servigne, est-ce que le moment de bascule a déjà eu lieu? Si on prend la seconde moitié du XXe siècle, les essais nucléaires atmosphériques dispersent tout autour du globe des éléments radioactifs que l'on retrouve dans les sédiments, les tourbes, les sables et jusque dans les sédiments marins. Et ce milieu du XXe siècle marque pour certains un changement global nommé la grande accélération de la démographie, de la consommation d'eau, d'énergie, de l'utilisation des intrants agricoles. Nous sommes de plein pied dans la catastrophe, déjà. Nous sommes en plein dedans, ça c'est sûr. La question c'est, est-ce que ça peut s'aggraver, s'accélérer, continuer? Est-ce qu'il peut y avoir encore plus de points de bascule? Est-ce que les historiens du futur, s'il y en a encore, considéreront, enfin à quelle date ils verront la bascule? Mais alors quelle bascule? Parce qu'il y a déjà des choses incroyables qui se passent en termes de population, de mammifères, d'insectes, d'oiseaux. Il y a déjà des effondrements dramatiques. Voilà. Après, les financiers voient une crise financière majeure, pire qu'il y a 10 ans, sans capacité de rebondir, pour les États en tout cas, dans les mois qui viennent. Est-ce que ça pourrait être un déclic? D'autres voient, par exemple, 1988, la date de création du GIEC, comme une date charnière. En fait, on ne sait pas où sera la bascule. L'histoire est faite de signes noirs. Vous savez, ces événements imprévisibles, c'est l'expression de Nassim Nicholas Taleb, le philosophe trader qui a fait son best-seller Les Signes Noirs. Signe, c'est comme l'animal, le signe qui est blanc en fait, mais est appelé noir pour décrire des événements incertains, imprévisibles, qu'on ne pouvait pas prévoir et en fait qui font l'histoire. Impossible à prévoir et qui bouleversent le cours de l'histoire. Moi, je pense qu'on les attend encore. Même si déjà des points de bascule ont été franchis et on est en plein dans un effet domino où là ça s'enchaîne et ça peut encore s'aggraver. Ce serait une apocalypse sans royaume, c'est-à-dire pas d'issue, pas d'exil. C'est un des écueils, et, comment dirais-je, des risques de la pensée d'un effondrement, c'est de dire tout est foutu et il n'y a plus rien après. Et là, je pense qu'on peut tomber dans les récits des films hollywoodiens du genre 2012 où c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus rien après. Dans l'imaginaire, la mythologie de l'apocalypse, bah c'est la fin de tout. C'est l'histoire de l'arche de Noé en fait. Enfin, tous les mythes qui nous traversent, de dire tout est foutu. Je pense que d'un point de vue éthique, c'est insupportable de dire, c'est pas possible de dire tout est foutu. Je pense que l'effort à faire, c'est de recréer des horizons possibles. Tout en ayant conscience que ça peut s'arrêter. Mais c'est une question d'adulte. Je pense que être adulte, c'est être conscient de la mort et aller de l'avant en étant conscient de la mort. Et je pense que notre société, elle est adolescente. Elle est même patho-adolescente. C'est pathologique. On est dans cette quête de l'infini, de la croissance infinie, de l'absence de souffrance, de mort. Et on veut pas avoir. Mais on veut pas avoir les souffrances. Peut-être que ce qu'on va vivre là, c'est un grand passage à l'âge adulte. Frédéric, est-ce qu'on peut regarder avec vous les posts que vous avez rédigés sur ce réseau? Sur ce groupe-là, je crois que j'ai relayé une vidéo que j'ai montée, qui est en fait la traduction orale d'un livre qui a été publié dans les années 65, qui parle carrément de l'écorce terrestre ou la Terre qui bouge. Et donc j'ai traduit le premier chapitre et je l'ai illustré avec des images d'apocalypse, de films, le film 2012, etc. On va regarder cette vidéo avec vous. Rien, non, rien n'arrête les assauts accablants du vent et de l'océan. Sur tout le continent, un vent de plus de 1000 km/h engendre sa vengeance impie. Partout, sans merci, sans relâche, tout ce qui est vivant est déchiré en lambeaux et le tremblement de terre ne laisse aucune place intacte. Dans de nombreux endroits, la sous-couche fondue de la terre se dissipe et propage une mer de feu liquide chauffée à blanc qui s'ajoute à l'holocauste. En moins de 3 heures, le fantastique mur d'eau traverse le continent, ensevelissant les terres dévastées par le vent sous 3 kilomètres de tourbillons d'eau vive d'un océan à l'autre. En une fraction de journée, tous les vestiges de civilisation ont disparu, et les grandes villes, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, ne sont plus que des légendes. À peine une pierre est-elle laissée où des millions de personnes avaient marché quelques heures auparavant. C'est vous qui faites la voix de la vidéo ? Oui. Quelques chanceux qui parviennent à se mettre à l'abri du vent cinglant du côté de... La particularité, pourquoi j'ai traduit ça, pourquoi ça m'intéressait ? Parce que ça a intéressé le gouvernement américain, a priori, puisque c'est un document que j'ai trouvé sur les archives de la CIA. C'est un livre qui a été censuré par la CIA de 1965 à 2013. C'est un youtubeur américain qui en parle, qui a une chaîne qui s'appelle Suspicious Observer, qui répertorie tous les événements climatiques, les influences solaires et compagnie. Et ce document vous semble important ? Non, en fait, ce que j'ai bien aimé à traiter ce premier chapitre, qui est encore une fois, c'est de la fiction, mais qui est très catastrophiste, qui nous fait penser au film 2012. Le film 2012 sur l'apocalypse. Oui, voilà. Clairement, ce film, il décrit ce même genre d'événement qui nous semble complètement surréaliste, qui l'est très certainement. Mais j'ai bien aimé faire ça parce que justement c'était un document qui est issu de la CIA, donc ça entretient un petit peu le côté, j'allais dire presque conspi. Néanmoins, vous postez ça sur un groupe avec des gens qui ont peur de l'apocalypse, ou en tout cas qui considèrent que l'apocalypse peut arriver. À la fin de cette vidéo, vous dites « Seuls quelques hommes vont survivre, des hommes de pierre ». Oui, il faut pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui pourrait se passer si tout un tas de systèmes dans notre civilisation s'effritent et s'effondrent ? Quel impact ça pourrait avoir pour quand même 7,5 milliards d'habitants ? C'est beaucoup. Frédéric, en postant cette vidéo avec votre voix que vous avez transformée, une voix un peu grave, un peu éraillée... Voilà, quand je réécoute un peu, ça fait un peu trop... Ça fait peur. C'est une grosse voix qui fait peur. Si je voulais cacher ma voix, je l'ai fait maladroitement avec un logiciel tout simple et j'aurais pu faire une voix plus douce, peut-être féminine. Ça fait un peu prophète de malheur. Vous savez que vous faites peur. Oui, ça fait prophète de malheur. Oui, c'est clair. Mais après, c'est mes actes et ma vie quotidienne qui peut montrer que parallèlement à ça, je fais des choses, je construis des choses. Et donc c'est toutes ces choses concrètes que je fais à côté qui montrent que je suis pas que un parano qui a peur de la fin du monde, sinon je me serais construit un bunker. Oui, le cataclysme a bien fait son travail. Le plus grand régulateur de population fait une fois de plus pour l'homme ce qu'il refuse de faire pour lui-même et pour ses quelques pauvres survivants à entrer dans un nouvel âge de pierre. Une fois de plus, la Terre a déplacé son épaisse coquille, les pôles se déplaçant presque jusqu'à l'équateur en une fraction de journée. L'atmosphère et les océans refusant de suivre le déplacement de l'écorce terrestre ont détruit presque toute vie. Après cette chute, nous rejoignons Noé, Adam et Ève, l'Atlantide, Mu et Olympe, et Jésus rejoint Osiris, Tahora, Zeus et Vishnu. Dieu est notre refuge et notre force, un secours que l'on rencontre toujours dans la détresse. Ainsi sommes-nous sans crainte si la terre est bouleversée, si les montagnes s'abîment au sein de l'océan, si les flots de la mer s'agitent, bouillonnent, ébranlent les montagnes. Psaume 46. Vous parlez à vos enfants de l'inversion des pôles, du risque de séisme ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'embête un petit peu ma femme avec ça, un petit peu ma famille, mais j'essaye de ne pas être dans l'excès. Et les enfants, mes enfants, ils ont 4 et 5 ans. Je ne vais pas leur parler de ça. Eux, vous ne les inquiétez pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je joue avec eux. C'est ce que je fais principalement. Je joue avec eux. C'est facile de constater que les choses vont mal autour de nous, mais c'est aussi facile de constater qu'il y a des solutions et qu'il y a des choses qui vont bien et qui sont améliorées. Et je pense que ce qu'on appelle conspirationniste dans le terme le plus négatif qui soit, c'est des gens peut-être un peu trop repliés sur eux-mêmes. Vous les croisez sur la toile ? Sur la toile, oui. Donc, tant que c'est que sur la toile, ça va. Christina, bonsoir. Bonsoir. Il vous arrive d'évoquer l'apocalypse ? Oui. Bah oui, avec une chef, notamment, qui s'intéresse beaucoup à Nibiru. Et bon, ça fait depuis 2012 que je m'intéresse beaucoup à ça, parce que j'ai voulu savoir exactement tout ce qu'il y avait derrière cette fameuse fin du monde du 21 décembre 2012. Et donc, bon, je suis arrivée avec Nibiru, tout ça, voilà. Certains scientifiques nomment cette planète la planète X, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Elle a d'autres noms, Hercolobus, le Destructeur... Red Kachina, c'est par les Indiens Hopi, un club amérindien. Donc ça serait une étoile bleue dans le ciel qui serait annonciatrice de la planète X, donc Nibiru, qui elle est rouge. Comment avez-vous connu l'existence de cette planète Nibiru ? Sur Internet, lors de mes recherches sur le 21 décembre 2012. Et bon, ma mère m'a parlé, parce que j'ai parlé une fois d'un astéroïde qui nous menaçait. Et donc ma mère m'a répondu par mail, il n'y a pas qu'un astéroïde qui nous menace, il y a aussi une planète. Et donc j'ai fait la relation avec Nibiru. Voilà. Et bon, ma mère m'avait parlé à l'époque, quand j'étais encore lycéenne, elle m'avait dit que en 2012, on connaîtrait des grands changements terrestres avec des grands tremblements de terre, des éruptions volcaniques et tout ça. Donc voilà. Et c'était pas la première fois, parce qu'il y a eu aussi en 2000, et puis d'autres dates dont je me rappelle plus, mais c'est vrai que c'est... En tout, je crois que depuis le début, il y a plus de 180 fins du monde qui ont été annoncées, sans que pour autant ça se soit passé, quoi. Votre maman, elle, pensait qu'une fin du monde pouvait advenir. Effectivement, oui. Disons que c'était elle, quand j'étais gamine, qui me faisait le catéchisme. Et quand j'ai voulu faire ma confirmation, là, elle a commencé vraiment à me parler de ça, peut-être pour me préparer à ce qui allait se passer, voilà. Mais vous n'aviez pas peur, enfant ? Oh, un petit peu, oui, mais bon... Disons que j'ai, même enfant, je lisais déjà le livre de l'Apocalypse de Jean. Et aujourd'hui, vous travaillez dans une usine pas très très loin ? Oui, en cartonnage. Et de savoir que peut-être la fin du monde est pour bientôt, ça ne vous empêche pas d'aller travailler tous les matins ? Pas du tout, non. Parce que bon, de toute façon, Dieu seul sait quand ça arrivera. Ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. Voilà. Donc pourquoi commencer à s'affoler maintenant pour un truc qui aura lieu, ça se trouve, dans 5 ou 10 ans ? Comment vous expliquez que si souvent... on soit persuadé d'une date très précise de la fin du monde et que finalement cela n'advienne pas. Oh bah les gens, ils ont toujours voulu se faire peur. Donc, en 2012, c'était un petit peu l'histoire de la fin du calendrier Maya. En 2000, ça a été le bug de l'an 2000, que soi-disant tous les ordinateurs devaient cesser de fonctionner, y compris ceux des centrales nucléaires. Donc, ça allait tout exploser, ça allait rentrer en fusion, et voilà quoi. Alors. Quelle sera la prochaine fin du monde ? On parle de 2022 avec l'arrivée de Nibiru. Et cette fois-ci, vous y croyez pour sûr ? Plus ou moins. Bon, je sais que Nibiru existe, parce que, bon, de toute façon, il y a pas mal de preuves. Il y a les tremblements de terre qui sont généralisés, qui deviennent de plus en plus forts. Il y a de l'eau qui devient rouge, il y a des invasions de sauterelles un peu de partout, des pluies de grêle, des grêlons qui sont de plus en plus gros. Bon, les scientifiques se sont rendus compte aussi que les pôles magnétiques se déplaçaient de plus en plus vite. Et voilà. Et puis bon, bah, sans compter les problèmes météorologiques, un coup on a trop chaud, un coup on a trop froid. Comme par exemple aux États-Unis, hier ils ont quand même eu une tornade qui a tué plus de 22 personnes et fait plusieurs disparus. Donc on craint que le bilan soit beaucoup plus lourd. Mais quelle relation avec cette mystérieuse planète Nibiru ? Mais justement, elle est très magnétique et bon, elle déstabilise le noyau de la Terre en le réchauffant. Donc ça fait que la lave, elle devient beaucoup plus fluide. Étant beaucoup plus fluide, elle a tendance à remonter, à se frayer un chemin beaucoup plus facilement vers la surface. C'est ce qui fait que, bon, il y a beaucoup plus d'éruptions volcaniques. L'histoire du réchauffement climatique, bon, ça c'est encore autre chose. Parce que c'est les masses d'air qui ne se retrouvent plus du tout à la même place. La Terre, elle vacille. Alors un coup, elle va trop au nord, donc on a froid. Un coup, elle va trop au sud, donc on a trop chaud. Et on sait aussi que le fameux déluge universel, le temps raconté par plusieurs civilisations, serait dû aussi également à un passage de Nibiru. Elle s'approche régulièrement de la Terre ? Oui, elle a une orbite de 3600 ans. Et le dernier passage remonterait donc à l'époque de Moïse et de l'Exode, où il y a eu déjà pas mal de trucs. Mais comme j'ai entendu dire, et ça c'est carrément un fac, il y en a beaucoup qui disent que Nibiru va s'écraser sur la Terre. Or non, ce n'est pas possible, car deux astres à partir d'une certaine masse ne peuvent pas se percuter. La loi de la gravitation fait qu'au contraire, elle se repousse. Donc elle passera à 15 millions de kilomètres, elle va faire le demi-tour dans la ceinture d'astéroïdes, revenir ensuite vers nous. Donc en fait, il y aura deux passages, un premier et 7 ans plus tard un deuxième, et après pour s'éloigner pour un nouveau cycle de 3600 ans. D'ailleurs, ces fameux 7 ans, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation tant racontée dans la Bible. Et bon, bah, d'ailleurs là, j'ai recopié il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur Terre. Et là, il parle effectivement du déplacement des pôles ou déplacement de la croûte terrestre, et toutes les huiles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et que dit Saint Jean ? Saint Jean parle effectivement d'une grande tribulation. Que la terre serait renouvelée et qu'il y aurait une nouvelle terre avec des hommes qui seraient heureux et tout ça. Donc c'est plutôt positif. Et quand vous en parlez au travail avec votre collègue, ça ne vous inquiète pas de penser que tant de gens vont disparaître ? De toute façon, il y aura des victimes collatérales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est bien de pouvoir informer les gens avant. Parce que les élites, malheureusement, ne veulent pas dévoiler Nibiru. Et justement, pour pouvoir, eux, qui s'enfuient dans leur bunker, et que laisser les gens livrer à eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est pas bien, parce que les gens, ils ont quand même le droit de savoir, afin de se préparer et se donner ainsi toutes leurs chances. Il va falloir réapprendre à vivre avec la nature, donc réapprendre à cultiver ses plantes, à reconnaître les plantes comestibles, les plantes qui guérissent, réapprendre à chasser, à pêcher, à manger des insectes, parce que bon, il faut savoir que les sauterelles sont beaucoup plus nourrissantes qu'une côte de bœuf, par exemple. Et bon, bah, c'est la nourriture de l'avenir. Hein. Qui seront les personnes qui pourront vivre cette renaissance ? Alors, on parle des justes, la Bible parle de 144 000 justes, mais en fait, je pense qu'il y en aura beaucoup plus, parce qu'elle parle également d'une foule innombrable. Vous reconnaissez les justes, vous ? C'est ceux qui font le bien sur terre, c'est ceux qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui respectent les commandements de Dieu. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire pour se préparer, hein, c'est déjà essayer de trouver un itinéraire. Donc il faudra en fait se retrouver à 160 km des côtes, parce que bon, à cause des tsunamis qui risquent d'être très très hauts. Il faudrait être également à 160 km des volcans, surtout de ceux qui sont réveillés depuis 10 000 ans, parce qu'ils risquent de se réveiller. Il faudra également être à au moins 100 km des centrales nucléaires. Et bon, bah, la zone la plus sûre en France, ça serait du côté du Morvan. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas très loin du Rhône, ni de la Saône, ni des centrales nucléaires. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et en plus, il y a une faille sismique, bon, qui est endormie pour le moment, mais qui pourrait très bien se réveiller un jour. On l'appelle la faille du Rhône, d'abord. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà. De toute façon, hein, on aura quelques jours avant que ça arrive, hein, parce que bon, on parle d'un calendrier de 50 jours, dont le début sera marqué par une catastrophe qui ne pourra pas passer inaperçue, qui choquera énormément de monde. Mais avant cela, on aura une augmentation des catastrophes, enfin des cataclysmes. Bon, déjà qu'on est quand même déjà bien servi, mais par rapport à ce qu'on va connaître, c'est encore rien du tout. Nous avons survécu aux chutes d'astéroïdes et aux changements climatiques. Il paraît peu probable qu'un de ces dangers nous soit fatal au cours des 100 prochaines années. D'où ma conviction que si l'espèce humaine s'éteint au cours de ce siècle, ce sera le résultat d'une catastrophe anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme lui-même. Octobre 1961. Un bombardier Tupolev fait route vers l'océan Arctique. Il doit larguer la Tsar Bomba, la bombe la plus puissante jamais mise au point de l'histoire de l'humanité. Mégatonnes, l'équivalent de 3000 fois celle d'Hiroshima. Le champignon atomique s'élève à plus de 60 km de haut et l'onde de choc fait 3 fois le tour de la planète avant de ne plus être perceptible. Dans les années 1970, il y avait plus de 70 000 armes nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, cet arsenal est sensiblement plus modeste, mais il reste encore des milliers de missiles américains et russes. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour déclencher l'apocalypse. Oui, tout dépend de ce qu'on entend par apocalypse. Jean-Pierre Dupuis, philosophe. Le mot apocalypse en grec signifie révélation. Bon. D'ailleurs, en anglais, ce dernier livre de la Bible ne s'appelle pas livre de l'apocalypse, mais Book of Revelation, qui est la révélation, c'est-à-dire le sens propre. La révélation de quoi ? Ben de ce que sont les hommes, et non pas, ce sont les hommes et non pas Dieu, qui sont à l'origine de la violence. Hein, voilà. C'est ça que ça signifie, la révélation. L'apocalypse au sens de fin du monde, ça n'est pas le sens du mot. Et de toute manière, ce ne serait pas la fin du monde au sens qu'il n'y aurait pas de survivants. Il y en aurait vraisemblablement. Ce serait peut-être la fin de la civilisation telle que nous l'avons connue. Ça, c'est certain. Oui. Jean-Pierre Dupuis. Oui. Depuis 1947, les scientifiques du bulletin of Atomic Science mettent à l'heure l'horloge de l'apocalypse. Aujourd'hui, elle indique 23h58. Je suis proche des managers de cette horloge, hein, qui se trouve à Chicago, mais qui est une horloge, hein, purement symbolique, bien évidemment. Hein, 2 minutes de minuit, ça ne veut pas dire que dans 2 minutes, ça va éclater, puisque. Ce sont les variations de cette horloge depuis le début, 1947, comme vous l'avez dit, qui sont intéressantes. Il y a eu plus d'une vingtaine de. Alors, c'est annuel, hein, n'est-ce pas? Les changements sont annuels. L'horloge, au départ, a été mise à 7 minutes de minuit. C'était le début de l'ère atomique. Elle est passée, à la fin des années 40, à 2 minutes de minuit. C'est lorsque, à la fois, les États-Unis et l'Union soviétique se sont dotés de la bombe à hydrogène à 6 mois d'intervalle. Hein, bon, voilà. Ensuite, ça a fluctué. Ça n'est jamais revenu à 2 minutes, sauf depuis 2 ans maintenant. Nous sommes à 2 minutes de minuit, c'est-à-dire aussi près que cela l'a été dans la pire situation de la guerre froide. Bon, Robert McNamara, qui fut le secrétaire à la défense du président Kennedy, et ensuite du président Johnson, quand Kennedy a été assassiné, compte dans ses mémoires plus d'une trentaine de fois où on est passé à un cheveu d'une guerre nucléaire, dont 10 fois pendant les 14 jours de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Hein, bon. Des dizaines de fois, on est passé tout près. La dernière fois, eh bien, c'était au mois de janvier 2018, donc. La scène se passe sur l'archipel de Hawaï. Pendant 38 minutes, les habitants de Hawaï et les touristes ont cru qu'ils allaient périr sous une frappe nucléaire. Il y a eu une alerte qui disait « Des missiles nucléaires s'approchent de l'archipel, courez vite aux abris, et ceci n'est pas un exercice. » Bon, en 38 minutes, il y a eu une panique absolument extraordinaire. Finalement, c'était une fausse alerte. Un soldat s'était trompé avait pris pour des images qui étaient des images d'un exercice, effectivement, pour la chose même. Mais la chose tout à fait intéressante est que si c'était un officier qui avait vu ces images et avait cru qu'il y avait effectivement une attaque nucléaire, bien on peut imaginer que c'était le début d'une troisième guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que même si c'était une fausse alerte, la doctrine américaine consiste à lancer ses propres fusées dès que l'alerte a lieu. Hiroshima et Nagasaki firent 200 000 morts et mutilés. À combien de millions se chiffrerait aujourd'hui une bombe thermonucléaire ? Alors, peut-être pas une bombe, mais une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire. Alors, je peux vous répondre pour 1962. Des calculs ont été faits par le Pentagone. Ça aurait fait de l'ordre de 600 millions de morts. Il y avait à l'époque 3 milliards d'habitants sur la Terre. Alors, aujourd'hui, pour répondre à votre question, mais ce serait énormément plus. Je n'ose même pas avancer un chiffre, mais voyez, on est de l'ordre du tiers de la population mondiale, disons. Vous écrivez, Jean-Pierre Dupuis, que la bombe excède toutes les fins que l'on peut lui donner. Elle a été utilisée parce qu'elle existait. C'est ça que vous craignez ? C'est que la simple existence d'une bombe puisse motiver à son emploi ? Oui. À venir, lorsque je dis ceci, je cite quelqu'un qui, un auteur qui a énormément compté pour moi, c'est Günther Anders, philosophe allemand, juif, ancien élève de Heidegger. Bon, c'est lui qui dit cela, c'est-à-dire que dès qu'une technique de ce genre existe, elle ne peut pas ne pas être utilisée. Bon, je résiste un petit peu, si vous voulez, je ne peux pas dire que c'est vraiment ma thèse, parce que cette thèse est... Ce serait une sorte de déterminisme technologique, vous voyez. Bon. Mais finalement, j'arrive à la conclusion que nous sommes condamnés, oui, à l'autodestruction. Mais quand ? Alors justement, c'est là qu'intervient la notion de délai. Et il y a la possibilité quand même pour l'humanité de retarder autant que possible, et peut-être même jusqu'à l'infini, si vous voulez, le moment où ça va éclater. Bon, voilà. C'est inscrit dans l'avenir. Mais cet avenir est indéfini, en quelque sorte, indéterminé, je dis. Mais ça veut dire évidemment que nous devons avoir constamment cette vigilance nécessaire, c'est-à-dire avoir constamment les yeux fixés sur cette possibilité. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que tout le monde s'en fiche. Hein. Les collapsologues ou les théoriciens des catastrophes, là, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Hein. Et collapse veut dire effondrement. Alors, le type de catastrophe auquel ils pensent, justement, je ne suis pas sûr que ça mérite le nom de collapse, c'est-à-dire d'effondrement, changement climatique, perte de la biodiversité, technologie avancée qui devient folle, etc. etc. Le collapse, ce sera vraiment, si ça a lieu, ce sera une guerre, et la guerre nucléaire, une explosion atomique. Là, ça fait boum. Et il y a une causalité circulaire, si vous voulez. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la destruction de l'environnement, changement climatique en particulier, produit la violence, parce que les premières manifestations très graves du changement climatique, ça ne va pas être la montée des océans, la sécheresse, tout ce que vous voulez, ça va être les guerres que l'anticipation de ces catastrophes va produire. Bon, Michel Serres a choisi pour l'un de ses livres sur le sujet ce tableau de Goya bien connu, où vous voyez deux hommes qui se battent à mort à coups de bâton. Ils sont sur des sables mouvants. Et plus ils frappent fort, plus ils s'enfoncent l'un et l'autre. Mais finalement, c'est la nature qui se venge en quelque sorte. Bref, entre les thèmes favoris des catastrophistes dont je suis ou j'ai été, et la question de l'apocalypse nucléaire, il y a un rapport très, très profond. Or, c'est cette menace-là, on n'en parle pas. Même lorsque nous savons que la catastrophe est là devant nous, nous ne la tenons pas pour possible. Alors, ça me fait penser tout cela à ce poème de T.S. Eliot, américain d'abord et ensuite anglais, prix Nobel de littérature anglais, qui s'appelle The Hollow Man, c'est-à-dire les hommes creux, et que beaucoup de gens connaissent même sans savoir qu'ils le connaissent, car c'est sur cette base, la base de ce poème, que Francis Ford Coppola a fait son film Apocalypse Now. Il a mêlé, à vrai dire, cette source, ce poème, et le roman de Joseph Conrad, The Heart of Darkness, Au cœur des ténèbres. Alors, le poème de T.S. Eliot se termine par quatre vers. Les trois premiers, c'est la répétition du même vers. This is the way the world ends, c'est-à-dire, voici comment le monde vient à sa fin. Et le dernier vers dit ceci, que toute personne de langue anglaise connaît, « Not with a bang, but a whimper ». Non, non pas avec un bang, boum, mais avec un gémissement. Et moi, je pense que changement climatique, technologies avancées devenues folles, perte de la biodiversité, etc., ça va être un gémissement, et non pas un bang. Bombe atomique, évidemment, c'est un bang. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à des conditions inhumaines. J'ai hyper faim. Je sais. Mais moi aussi. On descend toujours vers le sud. Bien sûr. On va y trouver à manger. Notre survie en dépend, on doit atteindre la côte. Ok. Ok. Avis d'Apocalypse, un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier, avec Frédéric, Christina, Jean-Pierre Dupuis et Pablo Servigne. Extrait du film The Road de John Hillcoat d'après Cormac McCarthy et Les derniers jours de l'homme, un documentaire de Magnus Sjöström. LSD, coordination Perrine Kervan, attachée de production Marie-Vonne à Bolivier. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter après la fin du monde, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, vivre à l'ombre de la catastrophe. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière, Les pieds sur terre et L'expérience.